Alors, nous sommes dans le temps des fêtes, et pour certains d'entre vous, c'est un moment de réjouissance, tandis que pour d'autres, bien, le temps des fêtes est plutôt une période stressante, car elle est associée à une prise de poids. Et cette possibilité de prise de poids pendant le temps des fêtes est bien véhiculée aussi par les médias. Mais que disent réellement les études scientifiques à ce sujet? Alors, Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire est avec nous pour faire le point sur le lien entre la prise de poids et la période des fêtes. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors Geneviève, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire depuis quand on connaît ce lien entre la prise de poids et la période du temps des fêtes? Oui, en fait, on connaît ce lien-là depuis seulement quelques années, environ là, une quinzaine d'années tout au plus. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est que la prise de poids pendant la période du temps des fêtes, c'est un sujet qu'on parle depuis longtemps. Mais l'intérêt de la science à ce sujet-là, c'est très récent, donc une quinzaine d'années, et c'est Yanofsky qui a été l'un des premiers à avoir publié sur le sujet dans les années 2000 dans le très prestigieux New England Journal of Medicine. Et à ce moment-là, il démontrait là, clairement une augmentation saisonnière du poids entre la mi-novembre et la mi-janvier. Et c'est donc à partir de ce moment-là que le lien entre le poids et le temps des fêtes a gagné l'attention de la communauté scientifique. Tu parles d'une prise de poids entre la mi-novembre et la mi-janvier. Pourquoi cette période s'étale de quelques semaines avant et après le Noël, en fait? Et ça commence assez tôt quand même. Oui, exactement. En fait, c'est qu'il faut savoir que la plupart des études sur le sujet, ils proviennent des États-Unis. Et aux États-Unis, la période des fêtes est plus longue qu'au Québec, sont chanceux. Hein? Et aux États-Unis, en fait, c'est ça, c'est que cette référence-là de la mi-novembre à la mi-janvier, elle provient de leur période entre l'Action de grâce et le Nouvel An. C'est ça, le Thanksgiving, là, qui est le dernier jeudi de novembre, c'est oui, ça? Oui, donc c'est pour ça qu'on parle de cette référence-là. Et est-ce qu'on connaît la prise de poids moyenne pour une personne, en fait, qu'une personne est susceptible de prendre, en fait, au cours du temps des fêtes? Oui, on la connaît, la prise de poids moyenne chez l'adulte dans les sociétés occidentales, un peu comme au Canada, par exemple, fluctue légèrement d'une étude à l'autre, mais de façon générale, on s'entend pour dire que la prise de poids est minime et elle se situe entre 0,5 et à 1 kilo à peu près. C'est quand même pas beaucoup, là. Non, c'est pas 5 à 10 kilos comme des fois les gens peuvent véhiculer. C'est ça. Et les études qui incluent la mesure de la composition corporelle, ces études-là précisent que la prise de poids serait attribuable à une accumulation de graisse. Mm-hmm. Et comme c'est une moyenne, j'imagine qu'il y a des personnes qui peuvent en prendre plus et d'autres moins. Oui, effectivement. Les personnes obèses ont davantage tendance à prendre du poids pendant la période des fêtes comparativement aux personnes de poids normal. Donc, si ça nous demande qu'on ne présente pas tous la même vulnérabilité là, à la prise de poids. Effectivement. Et la pratique d'activité physique dans tout ça, on sait que ça aide pour le contrôle et le maintien du poids dans la vie de tous les jours. J'imagine que c'est la même chose aussi quand on le prend dans le temps des fêtes. Oui, c'est aussi le cas. On remarque dans les études là, que plus une personne fait de l'activité physique, moins elle est susceptible de prendre du poids pendant la période des fêtes. Et l'activité physique, ça peut être aussi anodin là, que de monter ou descendre des escaliers. Là, dans certaines études, ils parlaient simplement de ce petit geste-là qui ferait une différence. Une différence, hein? Mais en fait, cette période du temps des fêtes, de mi-novembre à mi-janvier, correspond en fait en partie à l'hiver. Est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent à la prise de poids selon la saison? Oui. Oui, donc je vais vous en parler de deux. Il y a une étude qui a été écrite par Charard et collaborateurs et publiée en 1999 dans l'European Journal of Clinical Nutrition. Et ces auteurs-là, ils rapportent une prise de poids plus importante durant la période d'hiver que la période estivale. Mm-hmm. Et selon les auteurs, ça serait le régime alimentaire qui est plus élevé en gras pendant la période hivernale qu'estivale, qui pourrait expliquer cette différence de poids-là. Et cette différence de poids-là, c'est à peu près 1,5 kg quand même. Et toujours dans l'European Journal of Clinical Nutrition, mais cette fois-ci dans un article un petit peu plus récent, en 2006, Ma et collaborateurs se sont intéressés là, aux variations saisonnières en lien avec les apports alimentaires, mais également avec l'activité physique et le poids. Mais ça, c'est déjà une population de gens en surplus de poids. Et comme principaux résultats, eh bien, les sujets que... À l'étude, ils ont consommé un peu plus de calories pendant la période de l'automne. Et le plus bas taux d'activité physique a été observé là, durant l'hiver. Uh-huh. Donc, c'est souvent ce qu'on entend, c'est qu'on bouge moins l'hiver. Les gens sortent moins l'hiver parce qu'il fait froid. Là. Exactement. Et évidemment, la prise de poids a été plus importante pendant l'hiver. Donc, en résumé, selon ces deux études-là, l'hiver évidemment, on bouge moins et durant l'automne et l'hiver, on mange un petit peu plus. Donc, inévitablement, ces deux facteurs-là vont contribuer à une prise de poids là, durant l'année. Mm-hmm. Pourrait-on prévenir cette prise de poids durant le temps des fêtes, même si, en fait, elle s'avère minime? Oui, même si elle s'avère minime, je crois qu'on peut prévenir. Et cette prévention-là, bien, elle est très populaire là, dans les médias. Mais il faut savoir qu'à ce jour, il y a très peu d'essais contrôlés, des essais cliniques, en fait, qui ont, qui ont rapporté dans la littérature là, et qui s'intéressent à la prévention là, de la prise de poids durant le temps des fêtes. J'en ai trouvé une qui a attiré particulièrement mon attention. C'est Boutel et collaborateurs qui ont publié, encore une fois, en 1999, j'en ai pas trouvé des plus récentes sur le sujet en soi, dans l'American Psychological Association. Et eux ont vraiment voulu tester l'ajout d'une intervention d'autosurveillance, qu'on appelle en anglais le self-monitoring, à une thérapie comportementale qui vise là, finalement le traitement de l'obésité pendant la période des temps des fêtes. Donc, l'intervention d'autosurveillance consistait pour le participant à noter tout ce qu'il mangeait durant les deux semaines. Et pour pas oublier ça, il y avait des contrôles téléphoniques et courriels pendant ces deux semaines-là. Et évidemment, tel qu'attendu, le groupe qui a reçu l'intervention avec l'autosurveillance a mieux géré son poids durant les deux semaines que le groupe qui n'y avait pas d'intervention. Mais entre toi et moi, François, mis à part de faire partie d'une étude pendant le temps des fêtes, il est peu probable, très peu réaliste comme approche pour monsieur et madame tout le monde de la vie quotidienne. Là. D'avoir des sonnettes d'alarme tous les jours pour nous rappeler ça, effectivement. Oui, exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? En fait, c'est une petite réflexion. Oui, le temps des fêtes, c'est une période de l'année où, ce que, on va se le dire, les occasions festives sont fréquentes. C'est également un moment durant lequel il y a une abondance très alléchante de nourriture, on ne se le cachera pas. Très riche et aussi très sucré, oui, en plus. Oui, effectivement. Donc, les facteurs de fréquence et de quantité peuvent jouer en défaveur de certains en les incitant à surconsommer. Alors, comme ce ne sont pas toujours des aliments qu'on a l'habitude de consommer quotidiennement, ben moi, ce que je vous suggère, c'est de permettez-vous de les goûter. Prenez de petites portions, dégustez-les, puis gardez-vous surtout de la place pour le dessert. Souvent, c'est des desserts qu'on n'a pas toujours l'occasion de déguster. Effectivement. Donc, de prendre des petites bouchées. Puis surtout, là, c'est vraiment d'avoir du plaisir avec ses proches, de vraiment profiter de l'occasion et non de se sentir coupable de manger certains aliments. Et comme mot de la fin, ben question de rire un peu, comme j'aime bien rire. Je vous invite à lire l'infographie du pharmacien au sujet des 5 mythes sur la prise de poids et les excès durant les fêtes. Vous pouvez le retrouver là, à l'adresse lepharmachien.com en un seul mot. Et ça, c'est une infographie que vous allez sûrement bien rire, là, autant que moi. Là, donc, ça démystifie un peu 5 mythes. Là. OK. Et tu as bien dit pharmachien. Hein, oui, c'est vraiment... Pas pharmacien. Exactement, c'est pharmachien. C'est ça, OK. Oui. Et moi aussi, ben, je considère en fait que les gens, comme la plupart des gens sont en vacances, ben, c'est peut-être facile aussi des fois en après-midi d'aller faire une marche ou profiter du beau temps. Oui. Parce que souvent, on est en vacances, on ne se déplace pas pour aller travailler, donc on bouge encore moins. On pourrait se déplacer pour nous-mêmes, oui. Ben, alors écoute, j'espère que tes explications sur la prise de poids durant le temps des fêtes aideront certains à mieux comprendre ce lien, mais surtout, comme tu dis, à avoir du plaisir et à manger de bons aliments et sans culpabilité. Merci beaucoup, Geneviève. Oui, merci, François. Alors, petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Au retour, on porte un toast avec Karine Gravel.